Troisième temps de notre semaine sur l'histoire des sensibilités dans la fabrique de l'histoire. Ce mercredi, jour des archives dans la fabrique, eh bien, nous allons tenter de nous approcher de ce son de la Première Guerre mondiale. Après avoir essayé hier avec la balade radiophonique de Perrine Kervran et de Renaud Dalmat en compagnie de l'historienne Arlie Fage de ressusciter les sons de Paris au XVIIIe siècle, nous allons ce matin avec Perrine Kervran nous poser une question semblable à propos d'une période plus proche de nous, la Grande Guerre. C'est le cœur de l'exposition qui dure jusqu'au 16 novembre prochain à l'Historial de Péronne. Entendre la guerre, son, musique et silence en 14-18. Grâce à des musiques et des textes lus pour nous par Daniel Königsberg, Stéphane Audouin-Rousseau, président du Centre de recherche de l'Historial de Péronne, et Florence Gétraud, co-commissaire de l'exposition, directrice de recherche au CNRS à l'Institut de recherche en musicologie de la Bibliothèque nationale de France, vont justement tenter de nous dire ce qu'on peut dire en historien et en historienne sur ce sujet. Bonjour Perrine Kervran. Bonjour. Bonjour Daniel Königsberg, vous allez être avec nous tout à l'heure. Bonjour à vous Stéphane Audouin-Rousseau. Bonjour. Et bonjour à vous Florence Gétraud, vous êtes la co-commissaire de cette exposition donc à l'Historial de Péronne, Entendre la guerre, son, musique et silence en 14-18. Est-ce qu'il est si simple de mettre en musée, de mettre en exposition le son ? Il n'est jamais simple, ça a été en tout cas une des grandes questions de toute ma vie professionnelle. Puisque au départ, j'ai contribué au musée de la musique et à sa conception. Donc, je sais combien mettre en son des objets inertes évoquant pour autant la musique est quelque chose de quasi impossible. Et pourtant, vous vous êtes colté à cette tâche-là pour cette exposition sur la Grande Guerre. Oui, j'y étais pas très bien préparée, en ce sens que je n'avais quasi jamais abordé cette période. Je ne suis pas historienne de la Grande Guerre, je ne suis pas musicologue travaillant sur cette période. On est venu me chercher parce que quelques années avant, un colloque avait été organisé à Péronne sur les musiciens et la Grande Guerre. Et dans ce cadre-là, on m'avait demandé quelque chose de très particulier qui était effectivement dans mes cordes. C'était c'est le cas de le dire. Oui, c'était de travailler sur les instruments de soldats. Et j'avais accepté uniquement une condition, c'est d'aller travailler systématiquement dans les réserves de Péronne. Mmh. Alors justement, les réserves de Péronne, vous les connaissez bien, Stéphane Audouin-Rousseau, puisque vous êtes président du centre de recherche de cette Historial de Péronne et vous avez contribué à sa création il y a déjà une vingtaine d'années de cela. Alors c'était aussi une commande, une demande, une envie en tous les cas de la part d'un historien comme vous et des gens du centre de recherche que de s'intéresser à cette question du son. Oui, c'est un défi, évidemment. C'est à partir de... Ça fait quelques années, en fait, que les historiens se sont dit « Mais enfin, c'est incroyable, dans notre histoire du sensible, dans l'histoire culturelle, on ne s'est pas suffisamment intéressé au son et à la musique, parce que la musique est un langage que les historiens, généralement, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. » Et donc, il y a eu cette envie, il y a eu cet ouvrage à l'origine duquel Georgie Durosoir a beaucoup contribué, musicien dans la Grande Guerre, paru en 2009 chez Symétrie, etc. Donc il y avait le sujet l'ambiance était mûr. Était là. Le sujet était mûr. Mais on a mis très longtemps à trouver le titre de l'exposition. Entendre la guerre, c'est un défi, puisque justement, en ce qui concerne le cœur du sujet, c'est-à-dire le front, le combat par lequel il faut évidemment commencer. On ne peut pas travailler sur la guerre sans travailler d'abord sur l'univers de violence qui caractérise le fait guerrier. Eh bien, nous n'avons pas le son de la guerre. Nous ne l'aurons jamais. Mais on a les mots des écrivains comme ceux de Ernst Jünger dans Orage d'acier, lu par Daniel Königsberg. C'est ainsi que s'écoulaient nos jours dans une monotonie sévère, interrompue par de brefs repos adouchis. Mais la position n'en offrait pas moins de bien belles heures. Souvent, j'étais assis avec un sentiment de sécurité voluptueuse à la table de mon petit abri, dont les parois de planches mal rabotées, où pendaient les arbres, me rappelaient le Far West. Je buvais une tasse de thé, lisais et fumais, tandis que mon ordonnance s'activait devant le poêle minuscule qui remplissait l'air d'une odeur de rôti. Quel combattant des tranchées ne connaît pas cet état d'âme ? Au dehors, devant le poste du guetteur, on entendait résonner des pas lourds et réguliers, des apostrophes monotones montées quand les sentinelles se croisaient dans la tranchée. À peine si Louis émoussé percevait encore la fusillade incessante, le choc bref des projectiles contre les défenses ou le sifflement de la fusée qui, par l'ouverture du puits d'éclairage, s'affaiblissait peu à peu puis s'arrêtait. Je tirais alors mon calepin de mon porte-carte et notais, en mots brefs, les événements de la journée. Voilà la lecture d'Ernst Jünger avec en dessous la bande-son d'une partie de cette exposition, une composition inouïe de Luc Martinez, une composition que vous avez souhaitée pour cette exposition, Florent Gétraud. Comment a-t-il travaillé ce compositeur justement pour pouvoir tenter de rendre compte de quelque chose de sensible comme cela ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire que nous avions plusieurs équipes qui proposaient de faire la scénographie de l'exposition à partir de ce qu'on pourrait appeler un cahier des charges. Et parmi ces équipes, une seule avait quelqu'un qui était vraiment expérimenté dans le domaine, on peut dire, à la fois sonore et musical. Et c'est pour ça qu'on a choisi en fait l'équipe Mascarade, qui a fait d'ailleurs une magnifique, je trouve, mise en espace de documents fort ingrats. Il y a rien. Pourquoi je dis fort ingrats parce qu'on est sous une masse de papier. On a très peu d'objets tridimensionnels. On a donc très peu de choses qui vont frapper le public par leur, je veux dire, corpulence. Et donc on a à la fois à trouver des objets à trois dimensions et des sons. Et là, nous avions une équipe où Luc Martinez, qui a déjà beaucoup bourlingué dans le domaine des expositions sonores, des musées musicaux, qui donc moi je l'ai connu il y a plus de 10 ans, et c'était déjà quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination. Je pense que le fait qu'il soit compositeur et qu'il prenne en compte les données culturelles d'un lieu en grand public, c'était capital. Et alors, il nous offre, à partir, j'ai envie de dire, à la fois de sa sensibilité créatrice, mais aussi d'un sentiment que je pourrais dire documentaire, c'est pas entièrement imaginé, quelque chose qui, à mon avis, rend l'émotion très présente. Périne Carvran. Oui, parce que quand on lit Frédéric Audouin-Rousseau, les textes écrits par les auteurs qui étaient sur le front, on s'aperçoit que justement la dimension sonore est très présente, que ce soit dans les textes de Jünger, de Barbus ou d'autres. Il y a des références permanentes au son, qu'il soit assourdissant ou au son qu'il serve de moyen d'alerter, d'être informé. C'est quelque chose qui est très important. L'expérience sonore a été évidemment fondamentale pour les combattants. Quand les combattants montent pour la première fois en ligne, la première chose qui manifeste qu'ils vont vers le danger, c'est le son. Et notamment ce roulement à peu près ininterrompu du canon qui s'entend 20 ou 30 kilomètres à l'avance, en quelque sorte. Et puis sur place, le texte de Jünger le disait très bien, les balles, les sifflements ininterrompus, les fusées. Donc un univers sonore qui sature les sens, notamment en période d'attaque, où là les sens sont absolument saturés, de telle sorte d'ailleurs que c'est une chose que disent souvent les combattants, qui s'endorment. On voit des camarades sous le martèlement, sous un bruit que nous ne pouvons pas imaginer, s'endorment. Littéralement d'épuisement nerveux après 20 minutes d'écoute en quelque sorte du bombardement. Et effectivement, les écrivains essayent de rendre ces bruits par des onomatopées, et c'est presque pathétique. Ce qui me surprend énormément comme historien, c'est que alors que les contemporains ont consenti des efforts énormes, inouïs, et pris des risques considérables pour filmer le plus près possible dans des conditions techniques qui n'étaient pas les nôtres, pour filmer donc la guerre, pour la photographier aussi, mais aussi pour la filmer, eh bien, ils n'ont pas eu la même idée pour tenter d'enregistrer. On n'a aucune tentative. La seule chose que l'on ait, effectivement, c'est un sonagramme du 11 novembre 18 qui enregistre l'arrêt de l'américain. Sonagramme, il faut expliquer, c'est une sorte de diagramme sur papier. C'est une représentation visuelle. Du son, voilà. Avec son spectre. Et donc, on a pu enregistrer, ce sont des Américains qui l'ont fait, juste le 11 novembre 18, ce qui précède l'arrêt des combats. Et l'arrêt des combats. Et on voit sur cette frise, pourrait-on dire, le spectre sonore, le 11 novembre à 11h, on a le bruit qui est représenté sur le spectre sonore, et puis ensuite, on n'a plus rien. Cet arrêt, à la minute près, quand on y pense, cet arrêt du son de la guerre, qui est en même temps l'arrêt de la guerre, Pour le Front Ouest, en tout cas, est quelque chose de stupéfiant quand on y pense après 4 ans et demi de cette débauche de violence. Mais voilà, c'est une des seules manifestations que nous ayons finalement. Et elle est visuelle, elle n'est pas auditive. Et pourquoi les contemporains n'ont pas eu cette idée d'enregistrer le son, c'est une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse. Périne Caron. Oui, alors que justement, dans ces textes, les auteurs ne cessent de dire c'est un bruit inouï, impossible à décrire, qu'on n'a jamais pu entendre, qu'on ne peut pas transmettre. C'est-à-dire que chacun souligne en plus cette nouveauté et puis cette impossibilité de rendre compte. Florence Gétraud. Moi, je voudrais ajouter que, en fait, si on imagine, et là, je pense à Arlette Farge, justement, le champ de bataille d'Ancien Régime, hein, ou même à la Renaissance, c'était un champ de bataille où, certes, il y avait des canons, il y avait des armes, mais il y avait surtout une musique encore audible. Hein, il y avait le joueur de tambour et fifre qui était à l'avant du front et qui menait à la bataille. Or, tout ça n'est plus possible à partir du moment où la guerre est industrielle. Tout ça va disparaître. Hein, donc, il y a une musique fonctionnelle qui est de toute façon laminée et qui n'a plus de raison d'être. Oui, c'est ça, celle qui est couverte d'une certaine façon par le bruit des combats. Deuxième extrait de Ernst Jünger, Orage d'acier, lu par Daniel Königsberg. Peu de temps avant l'heure H, on diffusa le radiogramme suivant. Sa Majesté l'Empereur et Hindenburg se sont rendus sur le théâtre des opérations. Il fut salué d'applaudissements. L'aiguille avançait toujours. Nous comptâmes les dernières minutes. Enfin, elle atteignit 5h05. L'ouragan éclata. Un rideau flamboyant monta en l'air, suivi d'un rugissement soudain tel que nous n'en avions jamais entendu. Un tonnerre à rendre fou qui engloutissait dans son roulement jusqu'au coup de départ des plus grosses pièces fit trembler le sol. Le grondement mortel des innombrables canons derrière nous était si terrible que même les pires batailles que nous avions subies nous semblaient en comparaison un jeu d'enfant. Ce que nous n'avions jamais osé espérer se produisit. L'artillerie ennemie se tut. Elle avait été annihilée d'un seul coup gigantesque. Nous ne tînmes plus dans nos abris. Debout sur les défenses, nous contemplâmes, éberlués. Le mur de feu, haut comme une tour, dressé sur les tranchées anglaises et qui se voilait de nuées ondoyantes, rouges comme du sang. Le jour s'était levé. Derrière nous, l'énorme vacarme ne faisait que croître, bien qu'une aggravation parût impossible. Devant nous, une muraille de fumée, de poussière et de gaz impénétrable au regard s'était dressée. Des inconnus couraient à travers la tranchée, nous hurlant à l'oreille des interjections joyeuses. Fantassins et artilleurs, sapeurs et téléphonistes, prussiens et bavarois, officiers et hommes de troupes, tous étaient subjugués par la violence élémentaire de cet ouragan igné et brûlés de monter à l'assaut à 9h40. À 8h25, nos lance-mines lourds entrèrent dans la danse. Ils étaient dressés tout près à de courts intervalles derrière la tranchée de première ligne. Nous vîmes les énormes mines voler en arc tendu à travers l'air et retomber de l'autre côté, provoquant comme des explosions volcaniques. Leur impact se succédait comme une chaîne serrée de cratères crachant des flammes. Les lois naturelles mêmes semblaient suspendues. L'air tremblait comme au jour brûlant d'été et ses papillotements faisaient danser de-ci, de-là des objets inanimés. Des bandes d'ombre noire filaient à travers les nuages de fumée. Le vacarme était devenu absolu. On ne l'entendait plus. On ne notait que confusément, comme des mitrailleuses, dans notre dos, lançaient par milliers leurs essaims de plomb en plein ciel. Voilà un extrait d'Orage d'acier d'Ernst Jünger, lu par Daniel Königsberg, sur la musique de cette exposition, donc composée par Luc Martinez, Inouï. Alors, on voit qu'un écrivain est habitué à décrire des images, les murs de feu qu'il y a devant les yeux de Jünger, ça il sait faire. Mais quoi dire d'autre que assourdissant, inouï, quand on parle du son et d'un son extrêmement nouveau, comme le disait Périne Caron tout à l'heure? Oui, il dit aussi une chose qui m'a frappé, on ne l'entendait pas. Eh oui. Le son a pris une telle place qu'il a saturé l'espace. Les sens, l'espace, on n'entend plus le bruit. Alors, on a dépassé le moment où on l'entend. Et puis autre chose qui est dans le texte de Junger, qui dit très bien, c'est que c'est un son qu'on entend par le corps. Il y a une vibration qui entre littéralement dans le corps, qui fait dans le corps et dans tous les objets inanimés, tout bouge. Hein, donc on est dans un univers sensoriel que nous ne pouvons pas, imaginer. Et c'est une énorme limite à une histoire sensible de la Grande Guerre, ou une histoire du sensible. Pendant la Grande Guerre. Oui, Florence Gétraud, d'ailleurs, vous insistez dans l'exposition, dans le catalogue aussi, les uns et les autres, sur le caractère aussi médical de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des tympans percés, on a des ouïes qui sont touchées par ce fracas. Et d'une certaine façon, on fait presque avancer aussi, comme on fait avancer la médecine réparatrice, on fait presque avancer la médecine de l'oreille, de l'otorhinolaryngologie, par l'intermédiaire de ce qui se passe. Comment doit-on se comporter? On lit ça, quand ça explose, est-ce qu'il faut laisser la bouche ouverte pour éviter que les tympans n'explosent à l'intérieur du crâne? Parce que est-ce qu'il faut avoir un morceau de caoutchouc entre les dents pour éviter que ça, pour laisser passer l'air, etc. Tout un tas de choses qu'on invente au fur et à mesure de la guerre, Florent Gétraud. Alors, justement, je voudrais rebondir sur le fait que Luc Martinez, dans sa mise en son, n'a pas oublié cette dimension corporelle, puisqu'en fait, on doit, pour comprendre ce qu'il a fait, pour comprendre sa fresque, s'appuyer contre un mur et ressentir dans tout le corps des vibrations. Donc ça reprend exactement ce que vient de nous dire Stéphane Audouin-Rousseau. La deuxième chose, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire, en fait, cet aspect, je dirais, perte totale de l'audition, perte totale de la sensibilité. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'article que Gaëtan Bruel a écrit, c'est qu'il nous montre qu'au début, le corps médical ne voulait rien savoir. Ne veut pas comprendre. Non, ne veut rien savoir. Ne veut pas entendre, c'est le cas de dire. Voilà, et moi je pense qu'une des raisons qui fait qu'on n'a pas de son de la Grande Guerre, c'est cette saturation qui est... On ne peut pas enregistrer des sons saturés à ce point. Hein. Donc tout ça se tient. Et alors, j'insisterai sur le fait que quand on a réfléchi pendant 2 ans, tous ensemble, pour préparer l'expo, on ne voulait pas faire qu'une expo sur la musique. On voulait prendre en compte cet environnement sonore. Bien sûr. Et c'est ça qui est, je crois, très nouveau. Absolument. Et qui était incroyablement difficile à faire. Un environnement sonore de la guerre. Voilà. On a un dernier exemple avec, par exemple, Barbus, Le Feu, un extrait lu par Daniel Königsberg, avant que nous passions aux autres aspects sonores de cette Grande Guerre. Bertrand est debout sur le champ en pente. D'un coup d'œil rapide, il nous embrasse. Quand nous sommes tous là, il dit « Allons, en avant ». Les voix ont une drôle de résonance. Ce départ s'est passé très vite, inopinément, on dirait, comme dans un songe. Pas de sifflement dans l'air. Parmi l'énorme rumeur du canon, on distingue très bien ce silence extraordinaire des balles autour de nous. Cette trêve est pleine d'une menace grandissante. La clarté pâle nous éblouit. Le talus, de tous côtés, s'est couvert d'hommes qui se mettent à dévaler en même temps que nous. Quelques balles arrivent. Bertrand nous crie d'économiser nos grenades, d'attendre au dernier moment. Mais le son de sa voix est emporté. Brusquement, devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusées sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, planté au sol, stupéfié par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. Puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant, très vite. On trébuche, on se retient les uns aux autres dans de grands flots de fumée. On voit, avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisés vers le fond, où nous nous précipitons pêle-mêle s'ouvrir des cratères, ça et là, à côté les uns des autres, les uns dans les autres. Puis, on ne sait plus où tombent les décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment en l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leurs cris de fer rouge dans l'eau. Un coup, je lâche mon fusil, tellement le souffle d'une explosion m'a brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars tête baissée dans la tempête à lueur fauve, dans la pluie écrasante des laves, cinglée par des jets de poussière et de suie. Les stridences, les éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque, vous traversent les tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu'on les subit. On a le cœur soulevé, tordu par l'odeur soufrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent, on bondit. on ne sait pas où on marche. Les yeux clignent, s'aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante qui tient toute la place. Un extrait du feu d'Henri Barbus, lu par Daniel Königsberg, Perrine Carbran. Oui, alors quand on entend ce texte, on voit donc là ce qu'on a déjà beaucoup dit, donc ce bruit assourdissant, mais on n'a peut-être pas parlé assez de la façon dont le son est aussi utile aux soldats, justement le son des balles, des grenades, des obus, qu'ils entendent de loin, qui sont aussi une manière d'avertissement et qu'ils finissent par connaître et qui devient assez familier aussi. Je crois que les soldats ont une expertise du son. Les soldats ont très peu de moyens de se protéger dans la guerre de tranchées, dès qu'ils sont à découvert, en tout cas dès qu'ils sont, comme dans le texte de Barbus, sur le No Man's Land. Au passage, ailleurs, il n'y a pas que le son, là, il y a l'odeur, il y a la vue, il y a le toucher. Ne serait-ce que la vibration sur la peau, à certaines parties, sur certaines parties du corps, hein, la vibration de l'air liée aux explosions. Donc, tous les sens ici sont mobilisés. Les soldats savent, au son, entendre le danger. Un obus qui arrive exactement sur soi, Junger le dit très bien, c'est quand Junger est touché justement en mars 18 avec sa section par un obus, il dit « je sens qu'un malheur va arriver ». Au son, il sait que ça y est, c'est pour lui. Hein, la taille des obus, hein, les soldats expérimentés savent reconnaître tel type d'obus, tel type de marmite, tel type de Minenwerfer, donc au son. Hein, son dangereux ou son qui fait qu'on est à une distance de précaution. Donc son qui vous oblige à vous mettre au sol immédiatement ou bien... Voilà. Donc, et la mitrailleuse aussi. La mitrailleuse a un son très caractéristique que les soldats entendent. S'ils l'entendent, ça veut dire que la mitrailleuse n'a pas été détruite, les mitrailleuses adverses n'ont pas été détruites par le bombardement. Et ils savent à ce moment-là qu'ils vont à la mort et que... donc tout ça, donc, c'est un univers sensible qui sert à quelque chose hein, aussi. Avec un certain humour cruel dans le catalogue, on rappelle ce récit d'Ephraim Grenadou, donc paysan de la Beauce, enregistré dans les années 60, qui a été un énorme succès de librairie à cette époque-là, qui se souvenait de ses souvenirs de la Grande Guerre et qui raconte qu'il avait un de ses supérieurs à côté de lui qui a été devenu sourd à cause justement de tout ce qui s'était passé, et que le grand amusement d'Ephraim Grenadou et d'un de ses camarades, c'était de plonger dans la tranchée pour lui faire croire qu'il y avait quelque chose qui était en train d'arriver, alors que rien ne se passait. Donc c'est une certaine cruauté, et qu'à la fin, ce sourd a dû quitter le front pour partir à l'arrière, parce qu'il ne supportait plus ces fausses alertes que lui infligeaient ses camarades, Stéphane Odon-Rousseau. Ah oui, c'est typique. Il y a aussi autre chose qui est dans le texte de Barbus qui me paraît très intéressant, c'est que, et ça rejoint ce que disait Florence Gétraud, il n'y a plus de musique. Hein, au front permettant de guider les soldats, d'organiser les commandements, d'exciter au devoir, hein, qui était et notamment de battre la charge, mais il n'y a plus non plus la voix. Oui. La voix de l'officier est emportée par le bruit, oui. Et donc les soldats sont seuls. Une des caractéristiques hein, du champ de bataille, c'est cette solitude hein, à partir du moment où il y a dispersion et où les liens tactiques sont littéralement détruits hein, par le son. Florence Gétraud. Moi, je voudrais ajouter aussi un son qu'il ne faut pas oublier. Quand on songe aux dégâts catastrophiques des gaz pendant la Grande Guerre, il y avait aussi une chose surprenante, c'était les cloches pour alerter qu'on avait répandu des gaz. Mmh. Et ça, c'est une fonction assez inattendue, si on peut dire. Donc, il ne faut pas oublier non plus tous ces sons de communication. Mmh. D'avertissement. Hein, ouais. Et d'avertissement. Perrine Caron. Mais c'était ça, justement, que je voulais évoquer. Ces sons, il y avait des sifflets, il y avait beaucoup de petits instruments comme ça. Des crécelles. Des crécelles, voilà, qui servaient aussi d'avertissement. Donc, le sifflet d'attaque, hein, c'est par le sifflet qu'on lance l'attaque. Hein, parce que la voix ne suffit pas, compte tenu de la longueur hein, d'une tranchée quand une compagnie doit attaquer. Alors, il ne faudrait pas non plus laisser croire à nos auditeurs que le son dans la Grande Guerre ou entendre la guerre telle que vous l'avez conçue, cette exposition avec les gens de Péronne, Florence Gétraud, ça n'est justement que ce son des batailles. Il y a tout le reste, effectivement. Et en particulier, tous ces instruments qui sont confectionnés par des musiciens, soit professionnels, soit amateurs, qui se retrouvent désœuvrés pendant des mois et des mois dans les tranchées et qui confectionnent avec ce qu'ils ont, des caisses, des casseroles, des choses comme ça, ils confectionnent des objets musicaux qui vont leur servir pour jouer avec leurs camarades. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant quand on les considère globalement, hein, parce que au fond, moi, je me suis amusée à faire ce que j'ai appelé, dans mon jargon, une typologie de ces instruments. On voit bien qu'il y a des instruments industriels et semi-industriels qui continuent à servir, qui sont soit, évidemment, dans les musiques militaires de défilé, soit dans les loisirs. Mais il y a surtout, effectivement, ces instruments. Alors, on remarque que les instruments de soldats, c'est rarement les musiciens très aguerris qui se les font. Ils confient toujours ça à un menuisier soldat. Mmh. Hein, parce qu'évidemment, ils n'ont pas la dextérité manuelle. Mmh. Alors qu'en général, le soldat lambda... Le musicien n'est pas luthier, donc voilà, il ne peut pas faire les deux à la fois. C'est exactement ça. Alors qu'en revanche, on a beaucoup de soldats du rang, hein, qui n'ont pas de formation musicale, qui vont se faire une sorte d'instrument, je dirais, transactionnel. Mmh. Hein, et alors là, ils y mettent un amour fou. Alors, expliquez-nous, c'est un concept intéressant que vous développez, Florent Gétreau. C'est quoi l'instrument transactionnel, selon vous? C'est comme l'objet transactionnel qu'on peut avoir quand on est un enfant? C'est comme la doudoune de l'enfant. Ouais. Hein. Donc on projette sur cet objet, d'autant plus qu'on va le confectionner soi-même avec ses propres idées, son savoir-faire, sa sensibilité décorative, beaucoup de marques très personnelles. On va inscrire des choses dessus. Vous voyez. Donc il y a une forte charge émotionnelle et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Stéphane Odenroso. Florent Gétreau a vraiment dit le bon mot. Hein. Effectivement, c'est tellement transactionnel dans une certaine mesure que enfin, ces objets sont aussi, je crois, propitiatoires, ils sont sotériologiques et ils servent à protéger aussi. Ils sont finalement le musicien lui-même. Dans le cas du... On a à Péron ce très beau, il n'est pas beau esthétiquement, mais très émouvant violoncelle de François Gervais. Oui. Hein. Le violoncelle sur le côté porte les brisques. C'est-à-dire ce que les soldats avaient sur la manche et qui indiquait le nombre de semestres passés au front. Mm-hmm. Eh ben le violoncelle a les brisques du musicien. Et quand, on sait que la forme du violoncelle... Alors les brisques, ça veut dire « je suis toujours vivant ouais. ». Hein, c'est ça que ça veut dire. Oui, et donc le violoncelle est vivant, il est personne vivante. Hein, bien sûr, crois. C'est une victoire sur la vie. Mais ce que je trouve fabuleux, et c'est unique, je crois, pour Gervais, c'est qu'il a d'une part pris des notes au quotidien sur comment il concevait théoriquement Absolument. L'instrument, hein, géométriquement, sonorement. Et ensuite, il explique comment il le fait construire, comment ça avance, comment il le teste, quelles sont ses qualités. Et il dit il a une sonorité de viol. Et c'est curieux parce que c'est un son qui, à mon avis, vient du fait que la caisse de munitions qui a été récupérée pour le faire était tellement sèche. Hein, c'était une caisse donc qui avait été... on avait évité qu'elle soit humide, qu'on retrouve le timbre des instruments du XVIIIe siècle. Et ce terme, son de viol, on le retrouve chez Maréchal, le grand violoncelliste. Maurice Maréchal. Ce qui est quand même assez fou. C'est qu'il se retrouve sur cette perception sonore, hein, de timbre, timbrique, que je trouve, moi, très intéressante. Il redécouvre d'autres instruments, d'une certaine façon. Il pense jouer du violoncelle comme ils en jouaient avant la guerre. Et en fait, il joue un autre instrument. En fait, il joue l'état primitif de la lutherie telle qu'elle existait au XVe siècle. Mm-hmm. Enfin, moi, je le vois comme ça. Perrine Carvan. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, donc, effectivement, ce violoncelle, ces instruments sont très importants pour ceux qui les ont construits, très importants pour les musiciens qui en jouent, mais aussi finalement pour toute la troupe. C'est-à-dire que c'est un moyen de se changer les idées, de réconforter. Et puis il y a quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui permet de créer du collectif, du lien. Et chacun prend soin de l'instrument, le cache, le transporte, et il fait partie des troupes. Oui, c'est Maurice Maréchal qui raconte qu'on transporte son violoncelle. C'est un violoncelle, c'est ça? C'est un violoncelle aussi. Dans les camions, au-dessus des boîtes de conserve, c'est ça? Voilà, au-dessus de la viande, et caché, si possible, dans un sac. Un sac à viande. Et qu'on ne remarque surtout pas qu'il est là. Parce qu'au cas où il y aurait un ordre disant surtout c'est inutile. Et je crois que ça, c'est fabuleux. C'est aussi de voir qu'il y a des officiers qui écoutent ces drôles d'instruments avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. C'est ce que dit Florent Gétreau est très important, parce que quand elle dit au fond qu'ils ont redécouvert spontanément une lutherie disparue, ça montre que ces instruments de tranchée, qui sont souvent des instruments à cordes d'ailleurs, sont des rétro-innovations. Oui. Mais exactement comme le casque est une rétro-innovation, comme les cuirasses sont une rétro-innovation. Ah, donc on est dans cette partie qu'est-ce que vous appelez une rétro-innovation? C'est-à-dire une innovation en fait qui réinvente pour des besoins nouveaux et avec des techniques nouvelles, hein, des objets disparus. Hein, et ça, c'est une des caractéristiques très intéressantes de la guerre moderne. La guerre moderne n'est pas toujours modernisante. La guerre moderne est par certains côtés archaïsante. En fait, on n'a pas d'outillage. Il faut bien se voir qu'on a un canif et rien d'autre. Quelquefois, une petite scie, ça peut arriver. Éventuellement, mais on n'a pas de fer à ployer. Hein, on a des cols minables. Enfin, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on réinvente ce que faisaient les musiciens du XVe siècle qui n'étaient pas encore luthiers professionnels. Et donc, c'est des techniques, j'ai envie de dire, primaires. Mmh. Mais c'est les bonnes. Quand on voit l'archet de Gervais, c'est fabuleux. C'est un archet à hausse coincée. Hein, où archet à hausse coincée. Oui, où la tension de la mèche se fait juste par une petite pièce de bois qu'on tend plus ou moins en arrière. Donc c'est assez fabuleux de voir ce stade premier de la lutherie qui renaît. Watching by the poplar, Colinette with the sea blue eyes. She is watching and longing and waiting where the long white roadway lies. And the song stars in the silence as the winding of the boughs above. She listens and starts and trembles in the forest. ~9h38 dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture. Nous sommes dans une émission, une semaine consacrée à l'histoire des sensibilités. Et vous écoutez une émission sur le son dans la Grande Guerre à l'occasion de la grande exposition qui se tient à l'Historial de Péronne. C'est jusqu'au 16 novembre prochain, une exposition qui s'intitule « Entendre la guerre ». Nous sommes avec Perrine Carvran, Daniel Königsberg, Stéphane Audouin-Rousseau et Florence Gétraud. Alors évidemment, ça fait obstacle, pourrait-on dire, ce qu'on entend à l'instant, Stéphane Audouin-Rousseau, parce que longtemps... Le son de la guerre, ça a été les disques enregistrés à l'arrière de ces soit la Madelon, soit les Roses de Picardie, soit Tipperary, qui, d'une certaine façon, ont été considérés par ceux qui ont suivi comme les témoignages sonores de la Grande Guerre. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on exhume bien d'autres choses que ces enregistrements-là. Néanmoins, ces témoignages sonores, me semble-t-il, sont très importants. La guerre n'est pas seulement le front et le monde du combat, c'est aussi le monde de l'arrière-front, le monde des permissions, le monde des cinémas à l'arrière. Et c'est un autre univers sonore qu'il faut évidemment prendre en compte. Et qui est présent dans l'exposition. Et je crois que c'est un concept que l'on trouve dans un certain nombre d'articles du catalogue, qui est magnifique, je le dis au passage. Cette notion de musique comme contre-bruit, cette notion de la musique comme antidote aussi au bruit du combat, je pense que ça fait partie, et les instruments de musique que Florence Gétraud évoquait tout à l'heure font partie de cet antidote, de ce contre-bruit. Je crois qu'Esteban Bourg en particulier travaille sur cette notion de musique comme contre-bruit, et en même temps... Comme une sorte de thérapie, Florence Gétraud. Oui, en fait, comme une antidote, certes, mais moi, ce qui m'a frappé aussi en travaillant avec nos amis historiens et musicologues, c'est que beaucoup estiment que finalement, les musiques de la Grande Guerre, qu'elles soient très populaires comme les chansons, qu'elles soient militaires, qu'elles soient des musiques pour des concerts près du front ou à l'arrière, au fond, il n'y a pas énormément de musique spécifique de la Grande Guerre. Mmh. On réutilise beaucoup de choses. On voit que ce soit dans les chansons, dans les œuvres militaires, par exemple, on refait du neuf avec du vieux. C'est du réemploi. Et ce qui est frappant, c'est quand même l'incroyable circulation d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, donc d'une culture à la fois, j'ai envie de dire, des strates sociales, mais aussi d'une culture musicale à l'autre. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit que même dans les hymnes, il y a des hymnes des ennemis qui sont empruntés par les Allemands et inversement. Donc ça, c'est un fabuleux brassage. Perrine Caron. Oui, puis cette circulation aussi est étonnante parce qu'elle marche très bien du front vers l'arrière aussi. C'est-à-dire que les morceaux, les airs circulent. Il y a des tournées qui sont organisées sur le front. Et puis, il y a des partitions qui sont diffusées dans les journaux qu'on peut trouver dans les tranchées également. Il y a une vraie circulation entre l'arrière et le front. Oui, alors cette question des supports est très passionnante. Je trouve que, par exemple, à Péronne, moi, ce qui m'a absolument passionnée, c'est la quantité de journaux de tranchées. En dehors, évidemment, des notes prises par les soldats, des cahiers de chansons qu'ils faisaient pour eux et qu'ils cachaient, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de choses censurées. Mmh. Et dans les journaux de tranchées, on voit bien qu'il y a un laminage pour surtout ne pas faire apparaître le désarroi, le pessimisme, enfin, et les atrocités. Et donc, ces supports, je trouve que la Péronne a un vrai trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans ces supports nouveaux, justement ? Eh bien, c'est des choses renéotypées. Mm-hmm. Hein, donc, ça n'a aucune consistance. Il n'y a rien de plus périssable. Mm-hmm. Et c'est fait par les soldats, avec des moyens du bord incroyablement simples. Et en même temps, ça nous donne la vraie vie. Qu'est-ce qu'ils partageaient, ces choses-là ? Il y a autre chose, Stéphane Donoin-Rousseau, que certains Allemands ont compris, des ethnologues allemands qui, dans les camps de prisonniers, vont commencer à enregistrer les accents, comme le faisait Ferdinand Bruno pour la Sorbonne juste avant-guerre. C'est aussi la prolixité de tous ces accents, de toutes ces voix, ces différences de voix. Et ça, comment on s'en approche en tant qu'historien ? Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a des accents du Sud pour la France, qu'il y a des accents du Sud-Ouest, du Sud-Est, des accents picards, etc., qu'on retrouve dans les tranchées. On a un moyen de s'en approcher. On sait que les Allemands ont enregistré les premiers chants corses dans les camps d'Allemagne où il y avait des Corses qui avaient été faits prisonniers. On en sait plus ? C'est là qu'on voit encore autre chose. Ici, c'est la Grande Guerre comme immense expérience ethnographique. Hein, immense expérience ethnographique, de même que c'est aussi une grande expérience archéologique. Il y a aussi des fouilles archéologiques sur le fond même menées par les Allemands. J'étais sur les champs de bataille de Roumanie dans les Carpates la semaine dernière. Il y a là, il y a eu aussi un corpus photographique dans un camp de prisonniers ou des prisonniers venus de l'armée française, des troupes françaises d'Afrique du Nord et d'Afrique. Eh bien, dans certains camps de prisonniers pas très loin de Bucarest, les Allemands ont massivement photographié ces troupes dans une perspective documentaire et ethnographique. Alors cette ethnographie menée pendant la guerre, et grâce à elle, si l'on peut dire, hein, notamment sur les prisonniers, qui sont une masse captive immédiatement mobilisable, il me semble que c'est dommage que les historiens ne sont pas suffisamment intéressés à cette question de l'enregistrement des voix et des accents. Peut-être parce que, au fond, notre histoire de la Grande Guerre reste très nationale. Au fond, la Grande Guerre, c'est un énorme affrontement des nations, et c'est cet affrontement des nations, la guerre a nationalisé, dans une certaine mesure, les nations elles-mêmes. Et au fond, nous restons centrés sur cette expérience majeure de nations et d'États affrontés. Et ce qu'il y a en dessous, en quelque sorte, ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire cette ethnographie, sociale, cette variété, sociale et culturelle. Voilà, cette variété, notamment langagière. Bah oui, parce qu'il y a forcément des gens qui viennent du peuple, il y a des gens qui viennent de l'aristocratie. Eh bien, je crois que nous n'y avons pas été suffisamment sensibles, peut-être parce que les historiens ne sont pas suffisamment anthropologues, par exemple, et qu'ils ont du mal à se projeter de cette... Ils ne sont pas assez musicologues, ils ne sont pas assez archéologues, ils ne sont pas assez anthropologues. Bref, il y a beaucoup de progrès à faire. Florence Gétraud, sur ce point. Moi, je voudrais intervenir effectivement sur ce brassage parolier, sur ce brassage des... Parolier, oui. Oui, la parole, ouais. Mais aussi sur les usages musicaux. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit qu'il y a des soldats qui viennent d'Afrique du Nord, ils ont forcément caché leurs instruments, leurs tambours nord-africains. Ou ils en ont reconstitué. Ils en ont reconstitué, leurs ournas à hanches qui sonnent comme ils l'entendent là-bas. Et puis on a aussi ces corps d'armée, par exemple, qui viennent d'Inde et qui jouent des Uhland Pipes, parce qu'ils sont sous domination anglaise. Je voudrais ajouter que les Bretons jouent leur biniou et bombarde. Et enfin, qu'on voit que dans les camps de prisonniers, les Allemands ont des bombasses. Qu'est-ce que c'est qu'une bombasse ? C'est une vessie de porc avec une seule corde. Et c'est là encore un instrument très archaïque des carnavals des pays du Nord. Alors qu'en France, on va plutôt jouer son petit violon reconstitué. Ou l'accordéon. Voilà. Et aussi, on va entendre des sons qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, comme ceci. « One Step par l'original Dixieland Jazz Band 1917, un quintet américain de musiciens blancs, ne nous trompons pas, même si tout de suite après des musiciens noirs vont arriver, en 1918 je crois, au Théâtre Gralin à Nantes, comme le raconte Philippe Gimplovitte dans le catalogue Entendre la guerre, et eh bien on voit arriver des orchestres de musiciens noirs, et tout ça c'est une nouvelle musique qui arrive, c'est la musique de la Nouvelle-Orléans entre autres. Je pense que ça a dû saisir en fait les auditeurs qui ont été en contact brutal avec cet orchestre. D'abord parce que c'était des musiciens noirs, ensuite parce qu'effectivement il y avait ce swing. Et Philippe Gumplowitz raconte ce témoignage qu'il a trouvé dans un journal d'une vieille dame qui se met à se dandiner, évidemment prise par le rythme. Voilà. Et donc ça, on voit que ça va être une... Philippe, en fait, estime que c'est le début d'une musique mondiale. Bien sûr. Et il a raison. Mmh. Hein, donc c'est une des grandes découvertes, même si elle est très, très parcellaire, de la fin de la guerre. Mais qu'est-ce que ça donne, ce que vous nous racontez là? C'est-à-dire ces musiciens qui viennent les uns avec leur bombard, les autres avec leur biniou, les troisièmes avec leur violon. Ça donne quoi? Est-ce que ça donne quelque chose après-guerre? C'est-à-dire est-ce que cette fournaise et de ce brassage que vous nous décrivez sort une nouvelle musique, par exemple Florent Gétreau? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, ou est-ce que chacun retourne dans ses foyers avec sa propre musique et puis tout compte fait ne se mélange plus une fois la guerre terminée? C'est très difficile à dire. C'est vrai que le jazz, on voit bien qu'il a semé en quelque sorte, hein, et qu'entre les deux guerres, il va y avoir véritablement une explosion de ces types de musique. Je pense que le brassage culturel, ça a forcément marqué les sensibilités, et que les musiciens ne peuvent pas oublier ces choses-là, à mon avis. Hein. C'est ce qu'on voit. Un Ravel, un Maurice Maréchal soi-même, par exemple. Probablement. Maintenant, est-ce qu'ils seront restés dans leur univers après-guerre? J'aurais du mal à le dire. Il faudrait les suivre attentivement. Mais c'est une magnifique question. Je pense qu'effectivement, de même qu'ils ont été amenés à côtoyer, à vivre dans la tranchée avec des gens qui n'étaient pas de chez eux, à faire un orchestre avec eux, par exemple, voilà, avec des gens qui n'ont pas la même soit origine sociale, soit origine géographique. Oui, par exemple. Alors ce brassage est très frappant, en tout cas, dans les loisirs des soldats et dans les concerts qu'ils donnent à leur entourage immédiat. Périne Cavran. Oui, d'ailleurs, on voit qu'il y a des musiciens qui se plaignent parfois, c'est-à-dire que l'orchestre auquel ils participent malgré tout, parce qu'ils ont envie de jouer, est un orchestre épouvantable. Voilà, il y en a qui trouvent oui, que vraiment... Lucien Durosoir l'a dit beaucoup, hein, c'est épouvantable, voilà. Il y a tel, j'y joue comme un cochon, c'est faux. C'est faux, c'est affreux, etc. Les musiciens souffrent aussi, ils souffrent même de la musique qu'ils jouent. Hein, il faut voir cette souffrance. Est-ce que les musiciens ont souffert davantage que d'autres? Je crois que c'est sur le plan de la sensibilité, c'est quand même important. C'est oui, puis il y en a d'ailleurs certains qui sont accusés d'être des planqués, parce que certains musiciens qui sont très bons sont privilégiés et peuvent, alors évidemment c'est pas non plus monnaie courante, mais peuvent avoir la possibilité d'être... Oui. Quand vous faites partie de l'orchestre de chambre du général Mangin, il est certain que les risques que vous courez au front commencent à s'amoindrir quelque peu. Mais c'est le fait de beaucoup de soldats qui, très souvent, dans la carrière, si l'on peut dire, quand ils ont réussi à survivre, à évoluer, et qui ont été parfois plus exposés et ensuite moins. C'est une évolution qui s'est faite souvent. Mais pour les musiciens, on pourrait aussi le dire des concerts à l'arrière, hein, où finalement, on a souvent dit ceux qui sont à l'arrière, c'est les planqués. Il y a la vie parisienne qui continue. Ce qui est frappant dans l'article de Myriam Chimène et de Charlotte Segon-Génovesi, c'est qu'elles expliquent que très rapidement, après quelques semaines où il n'y a plus de concerts à Paris, ça reprend, hein, et qu'il y a une vie culturelle incroyable. Oui, puis que de la même manière, on a essayé à un moment de renoncer à la musique allemande par patriotisme, mais quand même, on ne va pas se passer de Beethoven. Mais voilà, ou de Bach, donc... Il est étrange que tous les souvenirs qui s'évoquent en nous aient deux qualités. Ils sont toujours pleins de silence. C'est ce qu'il y a en eux de plus caractéristique, et même si dans la réalité il en fut autrement, ils n'en produisent pas moins cette impression-là. Et ce sont des apparitions muettes qui me parlent avec des regards et des gestes, sans avoir recours à la parole, silencieusement. Et leur silence, si émouvant, m'oblige à étreindre ma manche et mon fusil, pour ne pas me laisser aller à ce relâchement et à cette liquéfaction auxquelles mon corps voudrait doucement s'abandonner pour rejoindre les muettes puissances qu'il y a derrière les choses. Elles sont silencieuses parce que le silence, justement, est pour nous un phénomène incompréhensible. Au front, il n'y a pas de silence. Et l'emprise du front est si vaste que nous ne pouvons nulle part y échapper, même dans les dépôts reculés et dans les endroits où nous allons au repos. Le grondement et le vacarme assourdi du feu restent toujours présents à nos oreilles. Nous n'allons jamais assez loin pour ne plus l'entendre. Mais tous ces jours-ci, ça a été insupportable. Ce silence est la raison pour laquelle les images du passé éveillent en nous moins des désirs que de la tristesse, une mélancolie immense et éperdue. Ces choses-là ont été, mais elles ne reviendront plus. Elles sont passées. Elles font partie d'un autre monde pour nous révolu. Un enchaînement de la composition de Luc Martinez pour cette exposition à Péronne, du texte de Éric Maria Remarque à l'Ouest, rien de nouveau, qui traite du silence et du silencio, découverte en lisant ce catalogue, cette création de Carlos Gardel de 1932, qui, Florent Gétraud, raconte, et ce que nous explique Esteban Bouche, que eh bien, l'écho de cette question du silence pendant la guerre continue jusqu'au milieu des années 30. Oui. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que ce silencio, c'est au fond le deuil d'une mère qui a perdu tous ses fils à la guerre. Hein, donc on sent la dramaturgie du texte comme de la musique. Et qui commence par un clairon. Et qui commence par un clairon. Et il faut remercier Esteban Bourg de nous l'avoir mis en lumière, en quelque sorte. Et son texte qui clôt le catalogue, hein, qui est donc sur le silence de la guerre, il est polymorphe, ce silence. Il y a la terreur du silence chez les soldats. Parce que tout à coup, se retrouver dans Bad Boy, il y a même des images étonnantes qui montrent que les soldats sont affolés quand ils sont en permission de se retrouver dans le silence. Mais il y a aussi le silence pour que surtout l'ennemi ne nous entende pas. Et puis il y a ce silence du deuil, et je pense qu'on n'a peut-être pas assez parlé du deuil de la guerre qui va se prolonger pendant plusieurs décennies. Ça n'est pas faute d'en avoir parlé déjà avec vous, Stéphane Odarouzo, à ce micro. Un grand spécialiste du deuil. Mais je sais pas si. Mais c'est vrai que ce tango de Gardel est magnifique, puisqu'il a été découvert par Gardel et ses assistants à Paris, devant une tombe, je crois, du Père Lachaise, et où, je crois, je suis Esteban Bourg de mémoire, où stupéfaction devant cette femme qui a perdu, morte, mais dont on signale qu'elle a perdu tous ses fils. Et un des assistants de Gardel lui dit: c'est excellent pour un tango. Et donc l'aspect tragique hein, du tango à ce moment-là, qu'il se saisisse. Et un transfert surtout, culturel magnifique qui oui, se saisisse. Que, évidemment, voilà, le tango argentin. Ouais. Au début des années 30, le moment des années 30, c'est pas rien. C'est le moment où la leçon de la guerre et le tragique de la guerre vraiment saute à la figure littéralement des contemporains, notamment en Europe, notamment en France. Et je crois que ce silence, donc c'est le silence de la mort, effectivement, mais que les contemporains ont vu quand Albert Londres visite des champs de bataille abandonnés sur la Somme en 1918, après les retraits allemands, ce qui le frappe d'abord, c'est un silence total. Il n'y a plus un oiseau, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. C'est ce que raconte l'écrivain Tim Gautreau dans son dernier livre, qui raconte ces Américains qui arrivent, eux, le 11 novembre 18, théoriquement pour faire la guerre, et on leur dit que ce n'est plus la peine de faire la guerre, mais ils vont à l'arrière, ils vont sur le front, et sur le front, c'est le silence, mais c'est l'explosion des dernières bombes, parce qu'ils sont là, en fait, pour faire sauter les bombes qui n'ont pas explosé sur le front. Mais néanmoins, c'est un paysage de silence qui se déploie devant eux. Oui, et on peut peut-être évoquer aussi cette question de la minute de silence qui est évoquée dans le catalogue aussi, qui est intéressante. C'est-à-dire que finalement, au deuil, on accompagne le deuil du silence, d'un silence qui devient systématique, qui devient de l'ordre du cérémonial. Cette prière laïque, finalement. Oui. On pourrait parler aussi des silences qu'il y a dans la partition de la sonnerie aux morts au début des années 30. Au fond, un aspect rituel. À nouveau, un aspect rituel et on pourrait dire le silence qui est réparateur, qui... Là encore, une très forte émotion. Je crois que c'est ce qui est, au fond, frappant. Alors, on a eu du mal, nous, dans la scénographie, à l'exprimer. On s'est dit, comment on va montrer le silence, Il faut aller voir l'exposition « Entendre la guerre » pour pouvoir le comprendre. Voilà. Et je ne dirai pas comment on l'a exprimé avec nos amis scénographes. Merci, en tous les cas, Florence Gétraud, d'être venue, ainsi qu'à vous, Stéphane Nougan-Rousseau, pour évoquer dans cette semaine sur l'histoire des sensibilités la question du son pendant la Première Guerre mondiale, qui est donc l'objet de cette exposition à l'Historial de Péronne jusqu'au 16 novembre prochain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Vincent René nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, vous êtes encore avec moi, Perrine Kervran, la dernière émission de cette histoire des sensibilités, puisque c'est le 30e anniversaire de la revue 20e siècle qu'elle est consacrée, justement. Donc, justement, un bilan de l'histoire des sensibilités et un retour aux origines de ce courant historique. Donc, nous en débattrons dans l'émission de demain.